paquet de Marlboro, paquet de Royal Favor, morceau de plastique, il y a deux bouteilles plastiques, Mugo, poubelle, gâteau, pen, paquet de cigarettes Mistonnement, pack, papier de marque, pack plastique gris, sac plastique bleu, sac plastique transparent, pack plastique blanc, morceau de plastique transparent, canette violette, morceau de plastique, sac plastique blanc, sac plastique transparent, petit morceau de plastique, sac poubelle transparent, pack, bouteille de jus de pomme vide, canette Stella Artois, bouteille de plastique, canette Stella Artois, canette 16, sac plastique, canette 16 écrasée, morceau de plastique véhicule, morceau de plastique alimentaire, contenant, morceau gâteau, polystyrène, gros morceau, sac de ciment, sac de chantier, gobelette, limonade, éco plus, plastique, gaviscon, pitch, brioche, sac, ça c'est Sayal, en barre, un CD, une Desperado, et granola, papier, pitch, paquet de cigarettes, Marlboro, canette de Henken, une bouteille en plastique. Là c'est canette de bière, un morceau d'enjoliveur, une canette de bière, un morceau de plastique, une flasque d'alcool, un morceau d'une barrière en métal, un morceau de moteur, une bouteille de Ballantines, un CD gravé, tasse en cassé, un morceau de bio caoutchouc, un morceau de verre, le pied, bouteille en verre, objet de décoration, un paquet de chips en forme d'extraterrestre, une canette de Pluco, un aspirateur démonté, toute partie de l'aspirateur, un fer à repasser sur sa station d'air, une bouteille de Yop, arôme naturel, une canette de Lipton, un morceau de textile, une boîte Verdilet croissance plus, canette de Hoegaarden bière rosée, bouteille de Wolvovic naturel, une pochette plastique pour acheter des trucs, du bois, morceau, un pneu, des morceaux divers de plastique, une bouteille de vin petite taille, des morceaux de plastique, bouteille en plastique, un sachet de bouteille, un gant textile, une gravat, un morceau de bois, une bouteille de vin pétillant, une boîte en carton Monoprix de bar en chocolat, un morceau de textile, grosse collection de polystyrène, gros bloc attaché, ficelé ensemble, un sachet plastique aluminium, une chaise désoladérisée de son socle, des gravats, des pots de chantier, une canette de Schweppes écrasée, une canette de coca en étain, un paquet de gâteaux écrasés, une bouteille en plastique, du plastique de papier bulle, morceau de plastique divers, un bidon d'huile auto, un morceau de plastique, des trucs plastiques verts, un sachet de lingette intima, du bois, des morceaux de miroir brisé, un morceau de polystyrène, grand format, bois, un petit morceau, un tuyau, une barrière dégoncée, en vrac, gobelet en plastique, un morceau de boîte, une canette écrasée, un morceau de bois. Une canette de brie, un jus multifrique en plus, un sachet de crotte canon, un paquet de cigarettes à gros, un plastique, un paquet de Marlboro, un sapin déodorant de voiture, un morceau de carton, une bouteille Coca-Cola délavée, canette de Coca, canette de 16, un paquet aluminium en plastique, une bouteille plastique sans étiquette, à moitié écrasée, petite éponge, une baignoire, un sachet plastique blanc pour gâteau. Petite portion, mouchoir, un pot en plastique, petit, imprimé, une recharge, le bâtiment, maçonnerie, étanchéité, une canette de 7-Up Mojito, une bouteille de vin, Castellano 2014, avec son bouchon dessus encore, un sac plastique blanc, un paquet de Marlboro Light, écrasé, et noirci. Une canette de coca, aplatie par un véhicule. Une canette de 8-6 Bavaria, aplatie par un véhicule. Un morceau de papier, à 4 pliés. Petite bouteille de cristalline, plastique, gobelet de café, divers. Un petit pot plastique écrasé, type morceau, extrait de confiture. Un coussin fin, noir, une chaussure. Blanche, une recharge qui pourrait être de l'azote ou de gaz, une pochette pour ancien téléphone Motorola, imitation cuir, du polystyrène, du bois composite humide, une tuyau des toilettes blanches, un morceau de radiateur, un lavabo, un sac plastique orange, un morceau de papier imprimé jeu à gratter, du béton coulé avec du gravier et des morceaux de métal, un morceau de plastique, un tissu, un morceau de tube en PVC petit, une lavette sale, un morceau de plastique noir, un peu caoutchouteux, une étiquette de bouteille, une canette de Desperado, un sachet de gâteau granola, un gobelet en plastique blanc, un deuxième gobelet en plastique blanc, une canette de coca délavé par le soleil, une petite poussette jouet d'enfant, un morceau de bois, une canette de Badoit, délavé par le soleil. Un morceau de meuble en bois. Une bouteille, une canette de Tourtel. Une autre canette. De Badois, délavé par le soleil. Une spatule. En bon état. Une chaussure. Converse bleue. Un morceau de plastique. Grande forme, dur et bleu. Un papier, un petit sachet, un paquet de Philip Morris à moitié arraché. Un sachet de Monster Mash d'hiver dans ce plastique blanc. Un spray des poussières meubles. Un emballage de frites marron délavé par la pluie. Un emballage de boissons McDonald's, lui aussi délavé. Une bouteille d'eau cristalline encore pleine de 1,5 papier. Une bouteille en verre, petit format, panne à chaud. Un gobelet, petit gobelet en plastique café. Un sachet plastique, Franprix, avec dedans des canettes. 7-0 Royal Club. Un mouchoir. Un morceau de plastique, bon pour l'échange. Un morceau de bois, avec un morceau de rubalise. Couché sur le sol. Un petit morceau de bois composite blanc en décomposition. Une piscine bleue. Une bouteille en plastique verte. Un pot de yaourt sans étiquette. Gris clair. Un tuyau en béton armé à moitié cassé. Une canette de coca elle aussi écrasée. Plate. Des panneaux publicitaires. Un paquet Philip Morris écrasé. Un mégot de cigarette au sol. Un sopalin. Un mégot de cigarette. Des mégots de cigarette. Deux mouchoirs posés. Un paquet de gâteaux. Une feuille de route imprimée. Une canette Schweppes. Un peu écrasée. Des restes de McDonald's. Un paquet de cigarettes News. Du Bueno. Une canette d'origine écrasée. Une canette de coca délavée écrasée. Tropico écrasée. Un sachet de 12 gaufres aux œufs frais. Canette de coca. Un morceau de fenêtre en métal. Un reste de gobelet et aluminium. Polystyrène à moitié rongé. Bâche orange. Papier bonbon Haribo. Canette de cristalline 50 centilitres. Sachet de bonbons. Petit sac plastique main pour ramasser la merde des chiens. Sachet de baguette. Une canette d'esperado aplati. 50 centilitres. Un sachet gants pour l'essence. Un paquet de Marlboro écrasé. Un paquet de Gauloises, des bonbons fraîches, des Rizla, un papier rongé par l'eau, un sachet de bonbons, une brique d'Anao de 75 centilitres, un sac poubelle, un sac plastique avec plein de merde dedans, un flyer pour du fitness, des bouteilles cristallines, un sneakers, une canette écrasée, attachée ensemble, forme une sorte de collet, des bouteilles en plastique, une troisième bouteille en plastique, des papiers, un paquet écrasé, bouteille cristalline de 50, une canette de Fanta récente, 33, une canette de Coca-Cola Light, un paquet de Philip Morris, un paquet de Philip Morris, morceau de paquet de Philip Morris, d'Esperado, un bout de rétroviseur, une canette de Monster écrasée, des gants, une canette de Fanta, une canette de Coca, délavée par le soleil, des bouteilles, un sachet écrasé, des paquets de cigarettes, des canettes de Coca encore, un paquet de cigarettes écrasées, Marlboro, Mars, un morceau de plastique de voiture, une coque de téléphone portable, du fil bleu, une canette de soda, Schweppes Lemon, bicarbonate de sodium, des flyers, des morceaux de polystyrène, une brique, une bouteille, un café, une sac de la terre, un morceau de prise, un morceau de voiture, un bidon de plastique, un paquet de cigarettes, un chaton. Allez dedans, une paire de chaussures, un morceau d'emballage d'hiver. Un sac plastique blanc. Un sachet de thé. Un morceau de plastique. Un morceau de ticket. Un sachet de thé. Un ticket. Un ticket. Un ticket de caisse. Un morceau de sachet de bonbons. Un mégot de cigarette. Un morceau de coque de cacahuète. Un mouchoir. Une boule d'aluminium. Un sachet de plastique. Un ticket de caisse. Un petit morceau de plastique. Un mouchoir froissé. Un ticket plié. Un ticket de caisse. Un morceau de cacahuète. Un morceau d'emballage. Un petit papier roulé. petit flacon de flacon de sérum physiologique. Un morceau d'aluminium. Une touillette en plastique. Un mégot de cigarette. Un mégot de cigarette. Une étiquette de vêtements. Une cigarette à moitié vidée. Un emballage de sucette. Une touillette en bois. Un emballage de chewing-gum couleur aluminium. Un journal passé. Un papier au sol rouge. Un post-it. Un ticket de caisse. Un mégot. Un papier de bonbon. Okay. 4 centimes. Une canette, une peau de banane, une tasse de café, une canette d'Orangina, un paquet de cigarettes écrasées, un gobelet en plastique, un gobelet en plastique café écrasé, un gobelet en plastique, un gobelet en café, une canette Henken, un jeu à gratter, une cuillette en plastique, une cigarette, un ticket de port, un papier plastique, un paquet de cigarettes, donc, un journal, des capsules à médicaments, papier. Canette de bière Belfort, barre de céréales, sachet, liqueur, sachet, bol de café, morceau de plastique, une fois, papier de cigarette.